histoire particulière. Hier, je vous parlais du plaisir de vous retrouver chaque week-end pour notre récit documentaire en deux épisodes. Je n'ose vous demander si vous avez eu le temps de déjeuner après le premier épisode diffusé hier, mangez-le si vous voulez, le crime de Hautefaille. Quel crime atroce! Olivier Chomel et Yvon Croisier nous ont relaté comment une foule pouvait en quelques secondes se transformer en horde de monstres sanguinaires, comme ça, presque d'un claquement de doigts. Accrochez-vous, car voici la suite. Comme quoi, trop de chaleur, ça monte à la tête. Ce mardi 16 août 1870, jour de foire dans le petit village de Hautefaille en Dordogne, Alain de Meneis, aristocrate rural, apprécié de la population du canton, descend de son château pour se rendre au marché aux bestiaux. Il a l'intention d'effectuer quelques transactions. Il ne s'imagine évidemment pas ce qu'il va subir. La France a déclaré la guerre à la Prusse il y a un mois. Et allez savoir pourquoi. Un individu éméché, puis toute la foule folle, insinue et se persuade qu'Alain de Meneis est un ennemi de la France, un espion à la solde des Prussiens, voire un Prussien lui-même. S'improvise alors un lynchage progressif et sophistiqué, un calvaire interminable, au terme duquel on brûlera le corps pantelant du supposé traître sur un bûcher et dans la liesse. La barbarie de la foule réunie ce jour-là à Hautefaille ira bien au-delà de l'imaginable. Hautefaille 1870, mangez-le si vous voulez. Yvon Croisier, Olivier Chomel. Comment est-ce que ces gens ont pu en arriver à brûler vif ce malheureux, à danser autour de son bûcher et à dire des mots effrayants comme « on a brûlé un fameux cochon, faut pas laisser brûler toute cette graisse » et que, effectivement, des gens sont allés récolter de cette graisse humaine sur du pain et on dit « qu'est-ce qu'il veut y goûter ?» Enfin bon, c'est dans cette mesure-là que on a parlé de cannibalisme. Bon, c'est un cannibalisme un peu symbolique, mais c'est une sorte de cannibalisme quand même. Les tartines sont terribles. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est quand même un détail authentique qu'on a essayé de cacher à l'époque, mais que je retrouvais dans plusieurs chroniques, parce que je voulais savoir aussi si c'était vrai, cette histoire des tartines. Malheureusement, c'est vrai. Cet après-midi-là, Alain Corbin, il y a bel et bien des exhortations de la foule à la consommation du pauvre Alain de Meneis qui est en train de se consumer sur le bûcher. Et le maire d'Hautefaille, qui a assisté à peu près toute la scène depuis le début, lâche « mangez-le si vous voulez ». Oui, ce maire, il a eu un geste de Ponce Pilate, hein, d'une certaine façon. Faites-en ce que vous voulez. Mais en ce qui concerne, je reviens, puisque vous en parlez de cette affaire de cannibalisme, je crois qu'il s'agit surtout quand même d'une mise en exergue par les journalistes, par les habitants de Périgueux, par ceux qui assistaient au procès, parce que les procès à l'époque d'assises sont un grand spectacle. Une manière de conspuer ces paysans qu'on n'aimait pas trop. Et il faut être très prudent. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait eu, alors qu'il y en a eu durant la Révolution, hein, ni de scène d'extraction des viscères, puisque c'était brûlé. Il ne semble pas qu'il y ait eu ce type de scène. Bon, certains ont dit qu'un peu de graisse avait été consommée. Je crois qu'il faut vraiment être très prudent. Reste que, pour les historiens, il y a l'incapacité de l'interprétation véritable. C'est-à-dire qu'on peut amener, en quelque sorte, toutes sortes d'interprétations pour expliquer le déclenchement, la participation, la rhétorique. Mais il y a un moment où les choses échappent à l'interprétation, on est au bord d'un gouffre, et c'est l'horreur. C'est-à-dire l'idée qu'il y a quelque chose d'ignoble en l'homme, qu'on est soi-même un homme, et qu'on ne comprend pas, mais qu'on comprend aussi, enfin bref, on est au bord d'un gouffre, là, et de trou noir, en quelque sorte, qui renvoie à la condition humaine, si vous voulez. Reste que Alain de Meneis, donc, est mort, que son cadavre a été carbonisé, et, intéressant si je puis dire, l'idée que ceux qui ont participé au plus près reviennent satisfaits d'eux-mêmes. Ils ont accompli une bonne besogne. Ils sont rentrés chez eux en se vantant. C'est-à-dire, un Prussien, on lui a fait son affaire, donc on a servi la France, a fait du bon travail et on a aidé l'empereur. Et lorsqu'on découvre cette histoire, Georges Marbeck, j'ai l'impression que on espère au fur et à mesure de la lecture ou de la narration qu'on en a, que ça va s'arranger, parce qu'on se dit, ça ne peut pas aller plus loin. Oui, parce que ce supplice a duré peut-être 3 heures. C'est une sorte de calvaire, vraiment, avec comme la passion du Christ, avec des pauses, avec des stations. En bas du village, on a essayé de le pendre. Au milieu du village, on l'a torturé sur le travail affairé. Et en haut du village, on l'a brûlé. Il y a donc comme une sorte de chemin de croix, et c'est ce qui m'a fasciné aussi dans cette histoire. C'est sa scénarisation spontanée sous la forme d'un rituel de barbarie. Alain Bressy, je vais profiter du fait que vous êtes magistrat pour vous faire une lecture d'un morceau du rapport d'autopsie. Le cadavre, presque entièrement carbonisé, couché sur le dos, la face un peu tournée vers le ciel à gauche, les membres inférieurs écartés, la main droite raidie au-dessus de la tête comme pour implorer, la main gauche ramenée vers l'épaule correspondante et étalée comme pour demander grâce, les traits du visage exprimant la douleur, le tronc tordu et ramené en arrière, telle est l'attitude que les flammes ont en quelque sorte saisie sur place et conservée à la justice pour lui dire les dernières angoisses d'Alain de Monéis. Et un peu plus loin dans le rapport médical, après avoir examiné le cadavre de la victime, je crois qu'on peut conclure, premièrement, que M. de Monéis a été brûlé pendant qu'il était encore vivant. Deuxièmement, que la mort est le résultat des brûlures et de l'asphyxie. Troisièmement, que les blessures constatées sur le cadavre ont été faites pendant sa vie, avec des instruments piquants, tranchants et contondants. Quatrièmement, qu'une de ces blessures, celle du crâne, a été donnée par un individu placé derrière la victime, alors que la victime était encore debout. Cinquièmement, que le corps de M. Monéis a été traîné pendant sa vie. Sixièmement, que l'ensemble de ses blessures aurait inévitablement amené la mort. Fait à Nontron le 21 août 1870. Roby Pavillon, docteur médecin. Oui, c'est une pièce accablante de ce dossier. Et c'est surtout une pièce qui permet de comprendre que non seulement il y a eu une volonté de mise à mort, mais il y a eu de la part de ses bourreaux une volonté de le faire souffrir, de le torturer. Alors, ça pourrait avoir un sens rituel, surtout que cela se termine par le feu. Et il faut savoir que le feu, c'était le moyen par lequel on pouvait purifier les hérétiques. Et on a donc cramé ce pauvre Alain de Monéis vivant, parce que ça n'était pas un hérétique, c'était forcément un espion. Le massacre d'Hautefail a lieu dans les dernières semaines de l'Empire. Et évidemment, les prévenus seront jugés par un autre régime. Ils sont assez désappointés du sort qui leur est réservé. C'est-à-dire que ces gens qui se sont retrouvés aux assises, et là, on constate une grande incompréhension. Ils avaient cru faire bien, et ils sont sur le banc des accusés. Alors, ils sont un regard hébété, nous dit-on, et les journalistes qui dessinent les silhouettes des accusés leur donnent une apparence un peu animale. Hein. Ce sont des brutes, ils ne sont pas gâtés hein, dans les journaux. Et on peut penser qu'à Hautefail et dans les régions, ça a fait beaucoup de peine, d'une part, et d'autre, d'incompréhension, qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, et en même temps de colère. On peut décrire ce qui s'est passé à Hautefail le 16 août 1870, Alain Bressy. Mais l'expliquer, c'est beaucoup plus hasardeux. Il y a deux lectures judiciaires. Il y a une lecture qui est de dire qui a fait quoi. Et pourquoi? Comment? Ça, c'est le travail, l'analyse circonstancielle des événements qui se sont déroulés, qui sont donc à juger. Donc savoir si ces faits correspondent à un crime ou un délit prévu et réprimé par le code pénal. La deuxième vision, c'est d'essayer de comprendre. À l'époque, en 1870, la recherche sur la personnalité du délinquant n'existait pas. Il n'y a pas d'expertise psychologique, psychiatrique, telle qu'on les voit. Il y a une description de leur personnalité, mais plutôt par l'avocat général qui les présente, disons, comme des abrutis. Oui, voilà, c'est ça. On aura vite limité le cas en disant, ben voilà, ce sont des abrutis. Mais néanmoins, de braves gens. Voilà. Ça rime ou ça ne rime pas? On est passé très vite sur la personnalité, et bien entendu, on n'a pas abordé leur motivation. Il faut dire aussi que dans l'acte judiciaire, dans l'acte de juger, comme je vous le dis, on cherche à savoir qui a fait quoi, comment, et puis maintenant on essaie de savoir pourquoi. C'est-à-dire quel est le ressort, quel est le motif. Quand on ne voit pas de motif, et qu'il s'agit d'un crime complètement gratuit, point n'est besoin d'attendre M. Gide pour évoquer la gratuité de l'acte criminel, pour dire, ben voilà... C'est les porotypes, ils sont donc abrutis, ils sont violents par nature, ils ont bu, mais quand ils ont bu, qu'est-ce qui sort d'eux-mêmes? C'est la violence. Donc voilà, c'était peuple rustre, peuple violent, peuple alcoolisé, et bien résultat, une mort barbare. C'est tout. Donc ça prouve que la gratuité du geste, elle peut ne pas effrayer la justice. Le pourquoi, si on n'arrive pas à déterminer le pourquoi, on va juger quand même, puisque l'acte en lui-même y reste. Tant pis si on n'a pas la motivation ou l'explication. Le 1er septembre, les meneurs sont identifiés. En même temps, on apprend que Napoléon III a capitulé. Le 4 septembre, la République est proclamée. Le 26 septembre, une session extraordinaire des Assises de la Dordogne est ouverte pour juger ceux que l'on appelle désormais les cannibales de Haute-Faille. Le palais de justice de Périgueux est en état de siège. Une foule, avide d'émotions fortes, veut voir et entendre les cannibales. De nombreux journalistes venus de Paris se pressent à l'entrée du prétoire, mais les 21 prévenus ont déposé un pourvoi en cassation de l'arrêt de la chambre des mises en accusation. Et après bien des anxiétés, l'affaire est renvoyée au 13 décembre 1870, soit 4 mois après les faits. On va enfin voir de près ces individus qui ont osé commettre le crime d'Haute-Faille, où certains se sont comportés comme des cannibales. Comment sont faits ces hommes qui ont touché le fond de la barbarie humaine? Comment sont leurs yeux? Parlent-ils donc le même langage que les autres hommes? La justice peut-elle les juger sereinement comme les justiciables ordinaires? Enfin, quelle sera l'attitude des magistrats en face de ces inculpés d'une espèce inconnue que l'on pourrait croire tomber d'une autre planète? Le président de la cour d'assises est M. Brochot. L'avocat général M. Joran est détaché du parquet de Bordeaux. À la barre du ministère public, M. Casteja. Parmi les 21 inculpés, certains sont très jeunes, comme ce Tibassou, qui n'a que 13 ans. Les avocats plaident la folie collective, la chaleur, l'excitation du vin et des eaux de vie, et surtout la période particulièrement grave que traverse la France. Le 21 décembre, les débats sont clos. Les 12 jurés entrent en délibération. C'est un grand procès, parce que le nombre des accusés est est tout à fait remarquable par rapport à d'autres du moment. C'est vrai qu'il aurait pu entrer facilement dans l'histoire de France judiciaire, mais il faut dire qu'il a été complètement oublié. Cela dit, j'ai le sentiment que l'atmosphère a quelque chose d'historique, parce que le président de la cour d'assises, à l'issue des débats publics, s'adresse au jury, comme il est d'usage, et dit: messieurs, votre verdict appartiendra à l'histoire. Oui. Donc les magistrats d'alors ont quand même le sentiment de traiter une affaire hors du commun. Tout à fait. Je crois qu'à ce moment-là, de toute façon, si des avocats comme, je crois, Louis-Mi, me semble-t-il, sont venus en défense alors qu'ils étaient républicains et que manifestement, les accusés avaient tué au nom de l'empereur. Au nom de l'empereur. Mmh. Vous considérez que c'est un acte politique et que le procès qui s'en suivra a quelque chose aussi de politique ? À mon sens, c'est indéniable. Et c'est d'ailleurs d'autant plus vrai qu'on a tellement voulu gommer cette espèce de responsabilité politique collective que cet élément-là, hein, le nom de l'empereur, a été totalement gommé. Oui, moi, de ce que j'ai lu, de ce que je connais de ce dossier, les meurtriers, les barbares, ont agi au nom de l'empereur. Ils avaient donc l'impression de servir l'Empire, de servir Napoléon III. Ils avaient l'impression d'avoir devant eux un espion dont il fallait se débarrasser. Oui, donc le procès a lieu à Périgueux, sous la République, donc. Procès aux assises. Et suite à ce procès, 21 condamnations. Dont 4 condamnations à mort. Pierre Buisson, 33 ans. François Chambord, 33 ans. François Léonard Pierrouti, 53 ans. Francis Mazière, 29 ans. Sont condamnés à la peine de mort et seront guillotinés sur la place de Hautefaille. Campojeune subira 20 ans de galère. Pierre Besse, 6 ans de la même peine. Les autres accusés sont frappés de condamnations allant de 5 ans de galère à 1 an de prison. Les deux mineurs sont acquittés. Quant au jeune Thibault Limet, il sera placé dans une maison de correction jusqu'à sa majorité. Les avocats des condamnés à mort se pourvoient en cassation. Ces pourvois seront repoussés. Et le 6 février 1871, Chambord, Buisson, Pierrouti et Mazière sont exécutés. Vraisemblablement, c'est une des seules fois dans l'histoire de la guillotine qu'on a transporté les bois de justice sur les lieux mêmes du crime. Et ça, c'est un élément qui a contribué aussi à inscrire dans les mémoires ce sentiment de malédiction de ce village. Le 6 février 71, en plein hiver, alors que l'été avait été terrible et caniculaire, l'hiver a été glacial. La campagne était couverte de neige gelée et on a transporté donc les bois de justice 120 km de Bordeaux jusqu'à Hautefaille sur une charrette tiré par des chevaux. Et j'ai lu quelques témoignages étonnants du passage de cette guillotine dans les campagnes qui a jeté une sorte d'effroi. Imaginez dans ces fonds de campagne, sur des routes gelées, cette charrette sur laquelle sont dressées les bois de justice tirées par des chevaux noirs. Les chevaux étaient noirs et accompagnés de soldats qui jouaient du tambour, qui traversaient les petits villages. Donc c'était vraiment le cortège de l'effroi. Et au petit jour, bon, ce cortège de l'effroi est arrivé à Hautefaille. On a dressé... Et a rejoint l'autre cortège qui transportait... Et qui a rejoint un autre cortège venu de Périgueux, où étaient les 4 condamnés à mort. Ils ont été transportés aussi dans des charrettes avec des gendarmes, des prêtres, des juges, etc. Et tout ce monde-là s'est retrouvé au petit jour sur cette place minuscule de Hautefaille où on a dressé les bois de justice avec le carré de soldats autour, jouant du tambour, et condamné, qu'on a guillotiné là avec un des bourreaux bien connus de l'époque qui s'appelait Monsieur Rock, avec son chapeau de forme. Détail horrible, supplémentaire. La place était gelée, couverte de glace. Il y a une tache de sang terrible qui s'est inscrite dans le sol et qui restait pendant un mois visible sur la place de Hautefaille. Là encore, je veux dire, la marque du destin maudit sur le village. La tache de sang. La tache de sang. Il y avait une jeune fille qui habitait dans une maison juste en face de l'endroit où on a dressé la guillotine, peut-être à 4 ou 5 mètres. Bon. Qui de sa chambre a été témoin de ce supplice, quoi. Et que cette jeune fille, on l'a retrouvée, qui a disparu tout d'un coup, et on l'a retrouvée morte dans la campagne, dans la neige. On l'a découverte enceinte aussi. Il y a comme ça toute une série de mystères. On comprend, Alain Ribadeau-Dumas, que la petite commune de Hautefaille ne tienne pas tellement à la célébrité qu'elle a acquise par cette terrible affaire. Quant à vous, qui vous a parlé de cette histoire la première fois ? Oh, bien, dans le pays, tout le monde connaît, bien sûr. Je vous ai dit que mon épouse est d'une famille qui était dans la région à l'époque du drame. Et je vous ai dit que sa grand-mère lui interdisait à ses enfants et petits-enfants d'aller au pèlerinage, alors que c'était des gens qui étaient extrêmement catholiques et pratiquants, elle leur interdisait d'aller au pèlerinage d'Hautefaille, parce que c'était Hautefaille. C'était la commune maudite pendant très longtemps. Bon, maintenant, bien sûr, c'est tout à fait terminé. Et le 16 août de nos jours, vous pensez que les gens du coin ont une pensée pour je ne crois pas. Cet événement ? Je ne quant crois à vous ? Pas du tout. Non. Absolument pas. Non, non, maintenant, tout le monde connaît l'histoire, mais enfin, et surtout après cette messe de réconciliation qui a eu lieu, ben, c'était en. Vous devez savoir. 100 ans après. Date, exactement 100 ans après, oui. Il n'y a plus du tout d'appréhension, si je peux dire, vis-à-vis de cette commune et de ses habitants. Et quel était le but poursuivi lorsqu'on a organisé à Hautefaille, sur les lieux mêmes du forfait, une messe ? Une certaine réconciliation, parce qu'il n'y a pas de doute. Vous savez que toute la famille à l'époque, qui était assez nombreuse dans la région, puisqu'il y en avait ici, il y en avait à Cognac, ils ont quitté la région, ils sont partis, hein, les monéis. Sa mère, avec qui la victime habitait, est morte quelques jours après. Voilà, elle est morte quelques jours après. Son frère est resté là encore un peu. Il était curé des Grauges, mais la maison a été complètement abandonnée peu de temps après. Et ce sont des maisons qui sont restées inhabitées pendant presque 100 ans, enfin des propriétés. Tellement ça avait marqué à ce moment-là tous les esprits. Bah, vous savez, il y avait de quoi être quand même très inquiet. Et la messe du 16 août 1970 a fait son effet, vous pensez ? C'est le temps, avant tout, qui a fait son effet. Hautefaille a eu la malchance d'être l'endroit où ça s'est passé, évidemment. Effectivement, il faut bien se rendre compte que cette histoire aurait pu se passer n'importe où ailleurs. Et que le fait de montrer du doigt ce tout petit village de campagne, cette toute petite commune de campagne du fond de la France, la montrer du doigt parce qu'il s'y est passé quelque chose qui aurait pu se passer ailleurs, cet horrible souvenir, je veux dire, pèse beaucoup. Ces gens qui habitent cette région, qui n'ont aucune raison de se sentir touchés en quoi que ce soit par cette affaire vieille de plus de 130 ans, mais ils en ont un peu assez que, quand on prononce le nom de Hautefaille, eh bien que immédiatement on pense à cette histoire horrible. Et moi, je les comprends très bien. Je veux dire, de rabattre ça systématiquement sur ce village, qui est un village comme les autres, où les gens mènent la même vie qu'ailleurs, ben, je comprends très bien qu'ils en aient assez, vraiment, que on les montre du doigt, que des touristes s'arrêtent pour aller voir où on a brûlé ce malheureux, etc., qu'on leur pose des questions, d'en faire une sorte de lieu de pèlerinage noir et morbide et un peu malsain, hein. Ben, je comprends très bien qu'ils en aient assez, qu'ils aient plus envie d'en parler, je le comprends parfaitement. Et d'ailleurs, il y a eu une messe du pardon qui a été dite dans l'église de Hautefaille à l'initiative d'un descendant de l'un des assassins condamnés à mort, avec le souhait profond, parfaitement compréhensible, qu'on n'en parle plus de cette histoire. De solder tout compte. De solder tout compte. L'incident est clos. Retranchez la religion du genre humain et vous retrouverez aussitôt les atrocités sauvages du paganisme. Le christianisme peut seul brider nos passions sanguinaires, nous arrêter sur la pente fatale du crime. Puisse le terrible exemple d'Hautefaille faire comprendre à tous le danger des utopies antireligieuses. Ainsi, l'abbé Monmon rappelait-il opportunément ses ouailles à la stricte observance dans la semaine religieuse, quelques jours après la quadruple exécution de Hautefaille. La commune se trouve en Dordogne, aux limites de la Charente, et sur la carte au 100 000e numéro 47 de l'IGN. J'y étais tout dernièrement par une belle journée. C'est paisible. L'église romane est toute mignonne. L'auberge est fermée. Les vestiges de l'assassinat d'Alain de Monéis, de l'exécution, oubliés. Que le père Monmon se rassure, après un épisode d'égarement, cette terre est redevenue chrétienne. Mangez-le si vous voulez. Avec Georges Marbeck, auteur de Hautefaille, l'année terrible, paru chez Robert Laffont en 1982, Alain Corbin, auteur du Village des cannibales chez Flammarion, Alain Ribadeau-Dumas, Alain Bressy, magistrat, et la voix de Frédéric Potcher. Merci à Alain Bernard du journal Sud-Ouest et à l'abbé Pomarède de la Société d'Histoire de Périgueux. Documentation Christine Gedge. Archives Atelier de création des radios locales de Radio France, Daniel Perrault. Prise de son, Héroïse Cavion et Alain Fauché. Le vif du sujet, Yvon Croisier, Olivier Chaumel. Une histoire particulière, c'est fini. La bande-annonce de votre prochaine histoire particulière est disponible sur la page de l'émission. Je vous retrouve samedi prochain pour partager avec vous un peu du réveillon de Noël. Oh, oh, oh, il vous faudra être généreux. Le serez-vous ? Mais c'est une autre histoire.